pour déplacer ta remorque ou ta roulotte, pour un voyage de pêche ou pour amener tes enfants à leur partie de soccer. Et comme tu travailles fort, ça te prend un camion pour te surpasser. Le Ford F-150 est pour toi. Tous les autres camions voudraient lui ressembler, mais il n'y a qu'un seul Ford F-150. Passe le voir chez Jean-Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini et Saint-Félicien et profite de la super promotion du prix employé Ford. Tu obtiendras les meilleurs rabais sur tous les véhicules Ford et sur ton F-150. On t'attend chez Jean-Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini et Saint-Félicien. On va parler de NASCAR. Hier, un article intéressant de Louis Butcher dans le Journal de Montréal mentionnait que la Coupe Monster Energy pourrait un jour venir à Montréal. Est-ce que c'est Louis-Philippe Dumontier qui est actuellement le promoteur du Grand Prix du Canada qui n'a pas fermé la porte du tout? Il avoue cependant n'avoir eu aucune discussion avec les autorités de NASCAR. Pour en parler, ben, on parle avec évidemment notre collaborateur de la course automobile. Également, ben, il est analyste à RDS du NASCAR, Patrick Carpentier. Salut Patrick. Salut, ça va bien? Ça va bien Patrick. Évidemment, c'est un article de Louis Butcher hier qui m'a fait sursauter un petit peu. On sait que NASCAR, ça va pas tellement bien. Les assistants sont à la baisse. On en a déjà parlé souvent, Patrick. Les codes d'écoute sont à la baisse également. Et là, actuellement, ce qu'on veut faire, c'est peut-être de regarder d'autres possibilités. Et là, Louis Butcher mentionne que Montréal pourrait en être une. En tout cas, Louis-Philippe Dumontier n'a pas fermé la porte du tout. Toi, comment tu vois ça? Sincèrement, puis en passant, NASCAR, ça commence à... On dirait le vent commence à tourner. Ils ont des bonnes courses dernièrement. Là, un bon spectacle. En fait, il y avait peut-être un peu moins... Moi, John et Jeanette faisaient tellement chaud, là, mais ouais. De ce côté-là, c'est peut-être... on espère, en tout cas, que ça va tourner, mais sauf que... Non, ça me surprendrait énormément que NASCAR vienne à Montréal. Tu te rappelles, il avait déjà essayé avec la... Monster, avec Trinity. C'était Nationwide à l'époque, oui, c'est l'Infinity, là. C'est ça, exactement, qui venait... à l'époque, tu avais beaucoup de Québécois qui couraient dans cette série-là. Ouais. Les premières années, ça a bien été. Couru. Par la suite, c'était plus... Ouais, j'ai couru là quelques années, puis par la suite c'était plus difficile. Puis de toute façon, NASCAR ont retiré. Ils font toujours les tests avec les plus petites séries. Ils vont à Mossport en ce moment, à Canadian Tire Motorsport Park en Ontario avec les camionnettes. Ça, ils aiment bien ça. Jeff Gordon avait même mentionné qu'il aimerait bien voir la top série aller peut-être. De ce côté-là aussi, à un moment donné, les estrades sont tout le temps pleines pendant cette épreuve-là. Mais ils sont d'ailleurs pendant la pénitise. Tu sais, même si les camionnettes sont pas là, il y a beaucoup de gens qui vont voir les courses-là. Écoute, je comprends François de toujours laisser la porte ouverte. Il laisse la porte ouverte, évidemment, parce que si il peut l'avoir ou s'il y a un offre de l'avoir, il va pouvoir l'avoir, mais sauf que du côté de NASCAR, ça me surprendrait énormément. Ils ont retiré la Xfinity de Montréal, ils ont retiré la Xfinity du Mexique, je sais pas si tu te rappelles, Mexique. Ils s'étaient mis à s'étendre à un moment donné, puis ils ont décidé qu'ils allaient garder ça seulement aux États-Unis, puis pour avoir la série top tier, la série majeure des trois séries, ça me surprendrait énormément. Mais par contre, tu disais que le vent commence à virer de bord. On dit qu'à London, il y a moins de monde. Mais si tu regardes le sport professionnel tout court, c'est pas juste le NASCAR qui a de la misère à avoir les codes d'écoute et les assistances. Il y a... c'est dans tous les sports, là. Oui, c'est tous les sports. Écoute, c'est vraiment pas juste... au niveau du NASCAR, du sport automobile. Il y a Montréal qui est toujours un peu, même en Ontario, à Canadian Tire Motorsport Park, au Canada, on dirait que c'est toujours une exception un peu. Les estrades sont tout le temps quand même assez pleines, mais partout sa planète, au niveau des cotes d'écoute, au niveau de la présence des gens, ces circuits, que ce soit basketball, course automobile, même football. Je regardais aux États-Unis les baseball aussi. L'autre jour. Ben oui, à part le Super Bowl, le reste de la saison est à baisse. Les jeunes ont beaucoup d'options maintenant. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent écouter ce qu'ils veulent. Il y a l'Internet. Il y a tellement de moyens, de médias sociaux, de façons, de choses à regarder sur la planète. Tout est mondial. Tu sais, avant, j'écoutais l'émission ici aux États-Unis, Dave Moody, qui est un expert là, du NASCAR. Tu sais, dans le temps, t'ouvrais la télé le dimanche et tu avais trois affaires. T'avais une game de football, t'avais une course de NASCAR, puis t'avais un autre programme qui était intéressant. Et à part de ça, il y avait absolument rien. Puis il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de... Fait que c'était soit que tu ouvrais la télé, tu écoutais ça, ou tu faisais d'autres choses. Fait que tes codes d'écoute étaient hallucinantes. Mais plus ça va, les gens ont tellement d'options, tellement de choix que c'est difficile pour tous les sports. Oui, effectivement. Dis-moi, par contre, je lisais dans le même article, Louis Butcher mentionne que le NASCAR actuellement, tu sais, c'est seulement sur l'ovale. Mais par contre, il y a un récent sondage, puis on veut plus de circuits routiers. Est-ce que tu penses que ça va arriver, ça? Puis ça, ça pourrait favoriser Montréal? Je pense que ouais, il y a deux choses que NASCAR. Écoute, 2021, ça va être les plus gros changements. Que NASCAR n'auront jamais fait au niveau, tant au niveau de la voiture qu'au niveau de la façon de faire, la façon de penser. Les circuits routiers, ils ont rajouté le Roval Vault, qui appelle, qui est une partie de l'Oval à Charlotte puis du routier dans les séries éliminatoires. Ça, on pensait jamais que ça allait arriver un jour. Mais sauf qu'on parle de commencer sérieusement à regarder puis à ajouter plus de circuits routiers parce que les gens vont camper sur le circuit même. Il y a sorte d'affaires, les gens aiment vraiment ça, les estrades sont tout en pleine à Watkins Glen, à Sonoma, les gens aiment ces types de courses-là. De là à en avoir, comme l'IndyCar à l'époque, moitié-moitié, ça me surprendrait énormément. Puis peut-être c'est là qu'ils voient une opportunité à Montréal de peut-être aller chez ça, mais on veut surtout NASCAR retourner vers les racines, les circuits courts, les circuits locaux, les circuits plus petits. NASCAR veulent sérieusement faire une poussée dans cette direction-là. Ils ont quitté les petits circuits il y a quelques années. Puis je sais qu'en 2021, là, on regarde peut-être pour ajouter des petits circuits ovales. Des circuits routiers, mais surtout des petits circuits ovales. Dis-moi, par contre, moi, ce que je me rappelle à l'époque du Nationwide qui était à Montréal, on disait que fallait pas espérer le Monster Energy. À l'époque, c'était Sprint, parce que les États-Unis étaient très, très chauvins. NASCAR, c'était encore plus conservateur que conservateur. Et que jamais que les Américains, les Rednecks, accepteraient qu'une course de NASCAR soit transférée au Canada. Est-ce que c'est encore ça? Ce n'est pas gentil. Au niveau... c'est compliqué pour NASCAR de faire une course internationale. T'sais, on a regardé bien des endroits. Il y a NASCAR en Europe, NASCAR Penties. Ils ont des petites séries qui coursent ailleurs, mettons que... aux États-Unis, là, tu sais, des séries de sport là, qu'on appelle, mais sauf que au niveau de la grosse série de la COP, je pense que l'attitude est encore pas mal la même. Tu sais, je pense pas qu'on veut commencer à s'étendre puis à sortir la série des États-Unis. Okay. Là. En tout cas, de ce que je sache aux dernières nouvelles, là, c'est pas du tout quelque chose dont il est question. On parle aussi de peut-être dans les possibilités, c'est de réduire le nombre de courses. Est-ce qu'il y en a trop? Oui, il y en a beaucoup. Mais je pense pas que c'est quelque chose qu'on va réduire parce que payant. C'est trop payant. C'est plus complexe que juste décider de réduire les courses. Il y a beaucoup de contrats long terme au niveau des droits de télévision. Au niveau des commanditaires, au niveau de... Fait que c'est difficile pour NASCAR de réduire même... on parlait de réduire la longueur des épreuves que moi je me plains, là, que je trouve toujours un peu trop longue. Puis NASCAR sont un peu contre cette idée-là, surtout à cause des commandites, les circuits. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on crée des segments à l'intérieur des courses, qui fait que les courses sont beaucoup moins longues, là, beaucoup plus excitantes là, tout au long de l'épreuve. Mais de raccourcir les épreuves ou d'en faire moins dans une saison, ça me surprendrait énormément. OK. Ben Patrick, très intéressant. Au plaisir de se reparler. On va se reparler quand l'actualité de la course automobile va l'exiger davantage. Hey, merci. Notre ami Patrick Carpentier.